عسلامة ومرحبا بكم في قيدة ويب ماركتينغ لو بودكاست تونيزيان دو ويب ماركتينغ معكم عطروس امنا كونسلتانت سبيسياليست اون ويب ماركتينغ اي اون افيلياسيون ويب لو بودكاست قيدة ويب ماركتينغ va porter essentiellement sur des actualités des stratégies des conseils pratiques et des outils en ويب ماركتينغ inchallah il y aura des interviews avec des professionnels tunisiens du ويب ماركتينغ et pourquoi pas aussi des interviews avec des professionnels internationaux en marketing internet. Le podcast Qaida Web Marketing est accessible à partir de l'adresse http://qaida-6webmarketing.blogspot.com. Au niveau de Qaida, ça s'écrit en langage SMS, c'est-à-dire 9-3-I-D-A. Une fois sur le site Qaida Web Marketing, vous pouvez vous abonner au podcast. Donc, il suffit de cliquer sur le lien « Abonnez-vous au podcast Qaida Web Marketing ». Bad, vous pouvez choisir parmi les lecteurs l'imajoudine qui m'a Google Reader, Yahoo, notamment iTunes. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une mise à jour du podcast, vous seriez alerté. Inch'Allah, l'idée t'arrive. Merci, à très bientôt.